professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment s'effectue la transmission de la pensée et des savoirs dans l'Empire ottoman au tournant des 18e et 19e siècles, demande l'historien turc Edem Eldem. Quelle est la vision de l'idéologie dominante qui peut transparaître à l'analyse des textes, qui transpose ou plagie les auteurs des Lumières? Comment un illustre chroniqueur de la sublime porte a-t-il adapté, sinon plagié en le modifiant, un auteur honni dans l'Empire, le Voltaire de l'article « Histoire » dans l'encyclopédie? Comment ce même chroniqueur a-t-il ottomanisé, selon le mot d'Edem Eldem, le texte de Voltaire, au point de recevoir l'aval du sultan? Titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France, professeur à l'université du Bosphore, Edem Eldem, qui enseignait en France et aux États-Unis, s'attache cette semaine, dans le cadre de sa série consacrée à l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, à analyser la naissance des doutes chez les Ottomans confrontés à la modernité portée par une Europe conquérante et de plus en plus arrogante. Dès lors, la sublime porte est tiraillée. Faut-il se transformer, s'adapter aux enjeux du XIXe siècle? Aujourd'hui et demain, Edem Eldem nous plonge donc dans une passionnante analyse comparée de textes. Il s'interroge sur la manière dont l'historien et chroniqueur Shahrnazadeh Efendi, dont l'histoire a longtemps été vantée pour la modernité de son introduction, s'est librement inspiré de l'article « Histoire de Voltaire » dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 9 février 2018 pour le cours d'Edem Eldem, aujourd'hui, vers de nouveaux savoirs, Voltaire plagié. Le cas que je voudrais étudier, c'est celui d'un historien, Shahrnazadeh, qui écrira au début des années 1820 une histoire du règne de Mahmoud II. Donc c'est un historiographe, c'est un chroniqueur dans la plus pure tradition ottomane, c'est-à-dire quelqu'un qui est nommé par le sultan pour détenir ce poste prestigieux qui est celui de chroniqueur de l'Empire. Shahrnazadeh Atâullah Efendi est considéré comme l'un des premiers auteurs à avoir présenté, utilisé une méthode occidentale pour défendre la méthode en histoire. On voit que, et c'est surtout l'introduction, Mukaddimeh, introduction en arabe, mais c'est aussi le terme utilisé pour la fameuse introduction à l'histoire de Ibn Khaldoun. La Mukaddimeh, c'est ce que l'on retient le plus de l'histoire du bon Shahrnazadeh comme étant un exemple de rigueur scientifique et de méthode à l'occidentale. Je vous en donne quelques exemples. Alors malheureusement, étant donné qu'il a eu une carrière un peu écourtée par les vicissitudes de la politique, son ouvrage n'a vu le jour que bien plus tard. Il a été imprimé en 1860 et des poussières, donc il n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité, l'ouvrage. Mais nous en avons donc une édition de 1864 et une édition critique qui a été faite il y a quelques années. Voici un passage assez typique où je vous traduis. Pour étudier quelque peu l'exactitude de certaines choses dans les histoires anciennes, il n'y a qu'une voie, et cette voie est de vérifier avec attention s'il en reste des preuves et des traces indéniables, et les preuves écrites de ce genre se réduisent à trois genres de preuves. Alors, il les présente, ces trois preuves, et c'est assez surprenant puisque la première preuve, il s'agit des écrits des archives babyloniennes. Alors c'est déjà pour quiconque connaît la tradition historiographique ottomane, ça surprend un peu de voir un auteur ottoman parler de l'histoire babylonienne. Le deuxième exemple est celui de l'éclipse solaire qui a été documenté un peu partout dans le monde et en particulier en Chine, encore une fois quelque chose, une sorte d'écuménisme, une sorte de vision mondiale qui surprend de la part d'un ottoman. Et le troisième exemple qu'il donne, le voici, des inscriptions et des visages gravés sur des stèles de marbre qui furent découvertes sur l'île de Paros dans la Méditerranée et furent emportées vers la ville de Orendel en Angleterre par un gentilhomme du nom d'Arundel. Bon. Pour quiconque connaît un peu ces classiques, il s'agit des marbres de Paros. C'est une chronique de la ville d'Athènes qui, effectivement, au XVIIe siècle, a été découverte par un gentilhomme anglais, Arundel, qui venait de la ville du même nom, ou qui possédait la ville du même nom, et qui les a ramenés en Angleterre, et qui était considéré comme la base d'une chronologie, la première base d'une chronologie fiable de l'histoire d'Athènes. Alors, bien sûr, je ne suis pas forcément un orientaliste, mais il est vrai que quand je vois un ottoman débité de telles preuves, qui sont suspectes du fait même qu'elles sentent bon l'érudition du XVIIIe siècle occidental, et quand je vois aussi qu'il rajoute une référence aux deux tiers de l'Afrique ainsi que les peuples de l'Amérique, à l'exception des pays du Pérou, du Mexique et de la République de Tlaxcala, je me dis, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal, un bon ottoman en 1820 n'a pas ses connaissances, n'a pas accès à ses références sans aller les puiser dans un texte français. Un texte occidental né au début du XIXe siècle, il est évident que c'est surtout la France qui produit le plus d'érudition en matière d'histoire. Et j'ai fait quelque chose qui n'est vraiment pas sorcier, mais j'ai pris ces passages qui étaient quand même assez suspects, je les ai retraduits en français et je les ai non pas googlés mais gallicaïsés, je les ai soumis au moteur de recherche de la BNF, de la Bibliothèque nationale Gallica, et je suis tombé sur quelque chose d'assez surprenant. Voltaire. Et pas n'importe quoi de Voltaire. Mon bon Charny Zahadeh était allé piocher son inspiration dans l'article que Voltaire avait rédigé pour la grande encyclopédie, pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et voici l'article, Histoire, c'est le récit des faits donnés pour vrais, etc. C'est un long article que Voltaire lui-même a, au cours des décennies qui suivent, modifié quelque peu, et par la suite, il y a eu d'autres éditions. Donc, il y a toute une généalogie de ce texte qui se poursuit jusque dans les années 1810-20 avec des publications des œuvres complètes de Voltaire. Et voilà, j'avais trouvé les références particulières à la République de Tlaxcala, au marbre de Paros, etc., dans Voltaire. Alors, il ne me restait plus qu'à creuser un peu plus et voir jusqu'où allait la similitude, les ressemblances entre l'introduction de Charlie Zaradet et l'article Histoire de Voltaire. Ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir que, on le sait, Voltaire et Rousseau avaient quand même assez mauvaise presse dans l'Empire ottoman. Depuis la Révolution française, on sait par exemple que le Réifulcutable, le ministre des Affaires étrangères, Atef Efendi, en 1798, dans un rapport, disait, et je cite, donc ces mécréants connus sous les noms de Rousseau et de Voltaire. Ce qui ne veut pas dire, et je le disais lors de mon inaugural, ce qui ne veut pas dire qu'il les avait lus, mais simplement qu'il avait été informé, probablement par les Russes, que c'était là des démons de sédition et de perversité qui étaient responsables de tous les maux qui étaient venus assaillir le royaume de France. Donc, ce qui était fascinant, c'est de voir que Charny Zahadeh avait apparemment repris à Voltaire certains passages de son histoire, de son article Histoire, qu'il l'avait présenté à Mahmoud, qui n'avait rien d'un libéral, au contraire, c'était l'un des plus despotes des sultans ottomans, et qu'il avait aimé. Par conséquent, ce qu'il me fallait faire, c'était revoir dans le détail ce texte et voir ce qui correspondait effectivement à l'original de Voltaire, et s'il y avait une différence, en quoi consistait cette différence, comment avait-il utilisé, transposé, plagié, puisqu'il ne le disait nulle part, plagié le texte de Voltaire pour en faire quelque chose qui avait reçu, en 1820, l'approbation du sultan Mahmoud. Cette découverte, pour moi, était importante puisqu'elle permettait de se pencher sur un auteur qui était assez bien connu, mais avec une perspective tout à fait nouvelle. Puisque, plutôt que de le reprendre dans un contexte de continuité et de modernité plus ou moins contrôlé par l'élite intellectuelle ottomane, on avait devant soi la possibilité de parler de rupture. Parler en plus d'une rupture intéressante, puisque c'était une rupture cachée, puisqu'il avait bien caché l'origine du texte qui avait inspiré sa préface. Donc, cette question nous permettra aujourd'hui d'abord d'utiliser cet exemple pour faire un peu d'histoire. Je vous rappelle que la devise du Collège de France est de parler de la science alors qu'elle se fait, quand elle se fait, pendant qu'elle se fait. Donc j'essaie autant que possible de partager avec vous, non pas des conclusions uniquement, et en plus vous savez à quel point je suis peu partisan de conclusions définitives, mais de partager avec vous la manière dont l'histoire s'est faite, dont l'histoire de l'histoire s'est faite, la manière dont les documents ont été étudiés, la manière dont moi-même je me suis penché sur un cas de figure pour arriver à des conclusions. Donc, pour moi, cette digression, elle chevauche, si vous voulez, l'histoire même et la méthode. Et c'est pourquoi j'y tiens énormément. Mais ça nous permettra aussi de nous pencher sur un problème de fond, c'est celui de la transmission de la pensée et des savoirs dans l'Empire ottoman. Nous avons déjà vu quelques exemples dont il est évident, parce que c'était ouvertement dit, qu'ils étaient inspirés de l'Occident. Mais lorsque vous tombez sur un texte qui n'est non plus technique, cartographique, militaire ou médical, comme la plupart des textes que nous avons évoqués jusqu'ici, et je vous rappelle les nouveaux règlements de l'Empire ottoman par Mahmoud Raïf Efendi, par exemple, ou son atlas nouveau. Là, lorsque vous avez un texte qui n'est plus vraiment simplement technique, mais qui a trait à quelque chose qui est quand même fondamentalement intellectuel, et qui a un rapport avec la perception du temps, du changement, de l'histoire même, et bien sûr, comme c'est souvent le cas dans les sociétés modernes et contemporaines, avec un rapport direct à la politique, puisque dans tout texte historique, vous trouverez une vision de l'idéologie dominante, et dans le cas de Charny Zahandeh, c'est cela même qui rend ce texte intéressant. C'est-à-dire que si Charny Zahandeh s'était tout simplement amusé à traduire le texte de Voltaire pour le transmettre dans un contexte turc ou turcophone et donc ottoman, ça aurait été moins intéressant. Ce qui rend le cas intéressant, c'est que justement ce n'est pas une traduction, c'est une adaptation. Or, quand on dit adaptation, ça peut aller dans tous les sens. Adaptation, et je vous donnerai quelques exemples qui vous prouveront à quel point cette adaptation est à la fois consciente, c'est-à-dire que c'est une construction, c'est un désir de transformer un texte en quelque chose qui, comme on dit, fait sens pour un public ottoman, mais c'est aussi un aveu d'ignorance, puisque bien des aspects de la traduction bancale ou de cette adaptation bancale de Voltaire ont à voir avec l'incapacité de Charny Zahandeh de vraiment comprendre de quoi Voltaire traitait. Vous vous souviendrez donc que dès le départ, ce qui m'avait frappé, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était trois références. Il parlait des preuves en histoire. Bon, la preuve en histoire, c'est effectivement quelque chose qui sonne très moderne, puisque on refuse de fait une histoire de bas en, de haut en bas, et on veut introduire une vision critique, on veut introduire une sorte de réflexion logique sur les événements et sur les éléments qui constituent le fond de ce récit historique. Or, pour prouver à son public la probabilité de l'histoire, Charny Zahandeh s'était appuyé sur trois exemples. Le premier était celui des archives babyloniennes. Le second était celui de la multiplicité de sources, surtout chinoises, qui parlaient d'une éclipse solaire de la haute antiquité. Et troisièmement, le plus intéressant pour moi, puisque je m'intéresse à l'histoire de l'archéologie et de l'héritage, du patrimoine, les marbres de Paros comme indicateur d'une chronologie athénienne qui manquait jusque-là. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est trop beau pour être vrai, un ottoman qui sort de tels arguments pour prouver sa méthode en histoire, et qui en plus, dans un autre passage, parle du Mexique, du Pérou, des Tlaxcala, c'est trop suspect. Et c'est ainsi que j'étais tombé sur Voltaire. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir un peu, et c'est pourquoi j'ai intitulé cette séance « Vers de nouveaux savoirs avec un point d'interrogation », c'est de savoir si vraiment nous sommes dans une période où les gens commencent à se remettre en question et à trouver d'autres sources de savoir pour comprendre le monde qui les entoure et pour comprendre le passé, leur propre passé, ou si au contraire on est encore à cette période de tâtonnement superficiel, les hésitations dont j'avais parlé lors de mes cours précédents. Alors, Bien sûr, le spectre derrière Voltaire, c'est les Lumières. Un détail du frontispice de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où vous avez une allégorie des muses, une allégorie des sciences, des connaissances, et ainsi que je vous le disais, il est aujourd'hui de plus en plus de bon ton que d'essayer de trouver dans l'Empire ottoman une sorte de parallèle avec le siècle des Lumières en s'interrogeant sur certaines nouveautés, certaines innovations, notamment pendant le XVIIIe siècle, lors de cette révolution de l'imprimerie, qui pourrait permettre aux historiens de parler d'une sorte de parallélisme. Encore une fois, c'est une réaction à l'eurocentrisme de l'histoire, ce désir d'essayer de contrer un récit qui est par trop envahissant, parfois même ouvertement arrogant, en essayant de démontrer que ce que l'on prend pour un phénomène unique à l'Europe, en fait, ne l'était pas entièrement et qu'il était partagé par d'autres sociétés qui avaient, elles aussi, leur modernité. Le problème, c'est que, lorsque je vous en parlais tout au début de ce cours, il y a effectivement bien des arguments qui vont dans ce sens et qui permettent de parler d'une modernité ottomane indépendante de l'Occident. Le problème se pose lorsque l'on veut trouver chez les Ottomans une modernité qui n'est pas simplement autonome, mais qui est vraiment capable de rivaliser avec la modernité occidentale. Et que par conséquent, on commence à mesurer, à l'aune de l'Occident, la performance de l'Empire ottoman pendant ce XVIIIe siècle. Et que par conséquent, on essaye d'attribuer parfois un peu trop d'importance à certaines sources, certains documents qui, dans les années 1720-1730, semblent contribuer à une transformation des savoirs dans l'Empire ottoman. Je vous avais donné la liste des publications de l'imprimerie de Ibrahim Müteferrika, en insistant sur le fait que ces ouvrages sont tirés à 500 exemplaires et que par conséquent, leur capacité à vraiment transformer, modifier, impacter une société est, à mon avis, extrêmement limitée. Et que par conséquent, encore une fois, quand on parle des Lumières en Occident, on ne parle pas que des philosophes et de leur production, on parle d'une transformation des mentalités qui, à long terme, aura un impact sur la chose politique. C'est là que les sciences, que les humanités, que l'histoire et la politique, l'idéologie, se relient pour former un tout qui va vers une modernité qui, au XIXe siècle, va éclore d'une manière que nous connaissons. Et dans le cas de l'Empire ottoman, je pense qu'il est un peu trop risqué de se fonder sur quelques documents pour essayer d'aller dans ce sens-là. Je suis plutôt partisan de parler de spécificités ottomanes. Je vous avais donné l'exemple de la manière dont on arrive à parler d'une forme de laïcisation de la société ottomane en se penchant sur l'évolution de l'épitaphe funéraire, et ce, sans avoir vraiment à se mettre en compétition, en concurrence, en rivalité face à l'Occident. Et par conséquent, on peut parler d'une modernité qui est interne et dont les dynamiques sont tout à fait comprises dans la manière dont cette société est organisée, intellectuellement, culturellement, économiquement, socialement. Donc, pour ce qui est de notre bon chat Anisa Adet, d'ailleurs, je vous ferai remarquer, ça je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais cette image de chat Anisa Adet est une pure invention du XXe siècle. Nous n'avons pas de portrait de Shah Anisa Adet, et l'une, justement, des obsessions de l'historiographie turque, c'est-à-dire l'historiographie de la République de Turquie, dans sa vision de l'Empire ottoman, était d'essayer de se créer les instruments d'une visibilité comparable à celle de l'Europe. Et que, par conséquent, bien des acteurs de la modernité ottomane ou du pouvoir ottoman ont été, malgré l'absence de toute image, ont été réinventés. Réinventés d'une manière assez simple, il suffit de leur donner un nez un peu crochu, une barbe en bouc et une moustache, et les coiffer d'un turban. Alors, pour les turbans, on sait distinguer le Karatibi des intellectuels et des bureaucrates, du Ulfi des cheikhs d'Islam, et hop, on a un ottoman, on a un portrait d'ottoman. Ce qui est navrant, si vous voulez, c'est que le public en Turquie aujourd'hui est persuadé que ces portraits inventés du XXe siècle sont des documents historiques qui vous donnent un aperçu la physionomie et de l'aspect physique de ces individus. Donc c'est une invention pure et nette, et c'est une invention très différente, bien sûr, du portrait que vous voyez à côté de Voltaire, de François-Marie Arouet, Voltaire, l'auteur du texte d'origine. Je vous ai mis en cliquant sur le passage concerné de mon résumé du cours de la semaine dernière, vous pouvez avoir accès au texte que j'évoquais, c'est-à-dire à l'article « Histoire ». Et je pense que, d'abord, c'est amusant de revoir un peu ces classiques, de revoir un texte qui est très typique de Voltaire et des Lumières, cette espèce de vision rationaliste avec un peu des gros sabots qui essaye d'expliquer à un public comment on fait l'histoire et l'importance de l'histoire dans une vision qui est vraiment très typique de ces Lumières. C'est un texte un peu long, il fait dans les 8000 mots, et je vous dirai pourquoi je les ai comptés, c'est un texte qui, si vous le lisez, vous donnera d'abord un goût, une saveur du XVIIIe siècle qui n'est absolument pas désagréable, mais surtout, cela vous donnera une idée de ce à quoi Shahnizadeh était confronté lorsqu'il a eu sous la main ce volume de l'encyclopédie. Et cela vous aidera peut-être à comprendre, ainsi que j'ai l'intention de vous l'expliquer aujourd'hui, la difficulté qu'il y avait pour lui d'adapter, de traduire un texte qui était très complexe, non seulement par sa méthode un peu novatrice, mais surtout par ses références historiques et culturelles qui sont multiples et qui rendent la lecture de ce texte pour quelqu'un qui n'appartient pas à cette culture, et c'est le cas de Mehmet Ataullah Efendi, qui rend ce texte excessivement difficile et opaque. Je vous rappelle donc que pour un Ottoman du début du XIXe siècle, la seule référence à Voltaire est celle-ci, celle d'un mécréant parmi tant ou parmi deux, Rousseau et Voltaire, comme étant à la base de toute cette corruption que caractérisent les transformations de la fin du XVIIIe siècle, et notamment cette révolution française que les Ottomans n'ont jamais tout à fait comprise. D'autant plus qu'elle se transforme très vite en empire, ce qui, pour les Ottomans, est quand même assez surprenant. Le Collège de France et France Culture vous présentent l'historien Edem Eldem dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident », aujourd'hui vers de nouveaux savoirs, Voltaire plagié. Maintenant, je vous propose de nous pencher sur ce texte et de comparer, à gauche, j'aurai le texte de Voltaire, à droite, le texte de Charny-Zahadet, et je vous propose une comparaison sur certains points qui me paraissent importants et qui permettent d'élucider un peu le mystère de ce plagiat si stupéfiant. Alors, d'abord, je crois qu'il faut souligner la différence des titres. Pour Voltaire, le texte s'intitule « Histoire ». Ce n'est pas compliqué, c'est un article d'encyclopédie, donc il s'en tient à l'essentiel, à ce que lui et ses collaborateurs considèrent être un phénomène, un concept de base qui a sa place dans l'encyclopédie. Tandis que le bon Charny-Zahadet va se concocter un titre beaucoup plus ronflant, à l'oriental, si vous voulez tomber dans les stéréotypes et les clichés, où il choisit quelque chose qui rime déjà. On adore les textes, les rimes internes, c'est-à-dire les rimes en milieu de titre ou de titulature qui permet d'harmoniser un peu le texte. Donc, El mukaddibe fi kawaid fenne tarih ve usul muta'alati tevarih, ce qui traduit en français, donne introduction aux règles de la science historique et à la méthode de l'étude de l'histoire. Muta'ala, c'est un terme qui apparaît au XVIIIe siècle. Certains, d'ailleurs, y donnent une importance parfois exagérée en y voyant une nouvelle dimension de la science et des savoirs, puisque muta'ala, c'est l'examen. Et ce n'est pas donc simplement la lecture, c'est l'examen des histoires, l'examen des livres d'histoire. C'est une lecture profonde, une lecture en profondeur, une lecture critique qui se dissocie un peu des lectures plus traditionnelles que l'on associe avec la société ottomane et islamique en général, c'est-à-dire la lecture répétitive de textes sacrés. Donc déjà, dans Muta'ala, beaucoup verront une sorte de signe précurseur d'un mouvement vers un esprit critique, rationnel, qui se dissocie de la vision un peu plus traditionnelle des savoirs. Je ne partage pas tout à fait cette opinion, et je pense que c'est encore un cas de surlecture, c'est-à-dire la tentation de voir une sorte d'indication d'un phénomène à venir dans ce que l'on peut trouver dans les périodes précédentes, une surlecture un peu téléologique. Quoi qu'il en soit, le titre en lui-même est quand même extrêmement parlant, et comparé à la plupart des titres que choisissent les Ottomans pour leurs œuvres, c'est un titre qui est très direct et spécifique quant au contenu du texte. Il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de fioriture, on parle en arabe de quelque chose qui est concrètement de l'histoire et qui est de la lecture et l'étude de l'histoire, et on parle de fen, c'est-à-dire de science, donc encore une fois, quelque chose qui va dans le sens d'une sorte de modernité. Ensuite, je vous avais dit que j'avais compté les mots, et pour une raison très simple, c'est que ça me permet de quantifier un peu quelque chose et par conséquent de ne pas tomber dans une sorte de lecture superficielle. Je suis souvent porté à ce genre d'analyse sérielle ou quantitative, non que j'y croie vraiment comme étant la seule manière de comprendre une vérité, loin de là, mais par le fait que je pense qu'il est absolument essentiel de voir l'ensemble, de le quantifier avant de se lancer dans des études de détail qui, elles, dépendront plus d'une interprétation plutôt que d'un simple comptage. Or, lorsque vous transcrivez sur Word le texte de Voltaire, vous obtenez 8500 mots, c'est un bel article, c'est un article qui est assez long. Et dans le cas de Charny-Zahadet, vous voyez que cette quantité est réduite de moitié. Donc déjà, première constatation, il manque quelque chose. En plus, ce qui est surprenant, une fois que je me suis lancé dans une étude systématique du texte de Shahrazadeh, cela m'a permis de voir ce qui, dans ces 4300 mots, appartenait à Voltaire, même si c'était dénaturé, c'est-à-dire tout ce qui était tiré directement du texte de Voltaire, et le reste. Et là, vous avez un équilibre à peu près de 2/3 contre 1/3, avec 2600 mots tirés de Voltaire, encore une fois, pas forcément dans le sens que leur donnait Voltaire, et 1700 mots qui, eux, sont originaux, des rajouts pour la plupart, qui appartiennent à Shahrazadeh lui-même. Différence un peu moins quantitative, un peu plus qualitative, je me suis amusé à répertorier les sources de Voltaire, c'est-à-dire les auteurs qu'il cite. Et en suivant plus ou moins un ordre chronologique, voici ce que l'on a. Donc Hésiode, Hérodote, Polybe, Tite Live, Grégoire de Nazianze, Marco Polo, Gobil, etc. Côté ottoman, cette ribambelle d'auteurs est réduite à un seul auteur, dont le nom est écorché, pour ne pas dire massacré, puisque Hérodote devient Hérédode, une sorte de phonétisation, mais qui prouve bien que Shahrazadeh n'a ni une référence locale, orientale, pour parler d'Hérodote, et que sa maîtrise de la langue française ou de la transcription, la phonétisation du français est quand même limitée. Mais surtout, c'est que il n'a pas de source. Il ne va pas utiliser les auteurs que Voltaire utilise si richement dans son texte. Donc là, on voit déjà une des méthodes d'adaptation qu'il va utiliser, c'est l'omission. Le fait, tout simplement, de sauter certains passages, de se débarrasser de choses qui, soit ne lui plaisent pas, ou alors qu'il ne comprend pas. Et c'est là, je crois, les deux phénomènes qui se cachent derrière les omissions. Le fait que, dans beaucoup de cas, effectivement, il sucre des passages entiers parce qu'il les considère probablement, il ne le dit jamais, mais il les considère probablement incompatibles avec sa vision des choses et la vision de son public. Et n'oublions pas que nous connaissons, non pas son public, mais nous connaissons un lecteur, Mahmoud II, le sultan. Vous vous souviendrez que je vous avais donné le passage du Hatti Humayun, de l'écrit impérial de Mahmoud II, où Mahmoud II le félicitait pour la qualité de sa préface et demandait à ce que celle-ci soit recopiée d'une bonne main et qu'elle lui soit soumise. Donc on sait en tout cas, à moins qu'il ait menti et qu'il l'ait tout simplement effleuré et ensuite se soit contenté de dire que c'était très bien. Mais je pense que Mahmoud a dû quand même sérieusement feuilleter le texte de Shahrazadeh. Et c'est un point important, puisque si nous voulons parler des retombées politiques, du contexte idéologique de ce texte, il faut tenir compte du fait que c'est un texte de Voltaire ou inspiré de Voltaire qui a plu à Mahmoud II, dont on connaît le conservatisme et la manière un peu despotique, pour ne pas mâcher les mots, de gouverner. Donc déjà, il y a une sorte d'abîme, de gouffre entre la réception et la production d'origine, ce qui rend l'analyse du texte d'autant plus intéressante. Donc l'omission, c'est pour se débarrasser de ce qui n'est pas compatible avec le contexte auquel il veut vraiment se référer, ou alors, et ça je vous en montrerai quelques exemples, c'est lorsque, de toute évidence, il ne sait pas de quoi Voltaire parle vraiment et que par conséquent, il est incapable de gérer ce matériau. En voici un exemple où vous voyez deux choses. la méthode de l'omission, mais aussi la distorsion par l'erreur. Alors, à gauche, c'est Voltaire, et je mets en exergue un peu ce qui me paraît intéressant de comparer d'un côté comme de l'autre, les similitudes, mais aussi les différences. On sait quel merveilleux ridicule règne dans l'ancienne histoire des Grecs. Les Romains, tout sérieux qu'ils étaient, n'ont pas moins enveloppé de fables l'histoire de leur premier siècle. Ce peuple, si récent en comparaison des nations asiatiques, a été 500 années sans historien. Ainsi, c'est une H majuscule de Voltaire. Ça n'est pas moi. Ainsi, il n'est pas surprenant que Romulus ait été le fils de Mars, qu'une louve ait été sa nourrice. Et ensuite, Voltaire continue avec tout un passage qui n'apparaît pas chez Shahrazadeh, qu'il ait marché avec 20 000 hommes de son village de Rome contre 25 000 combattants du village des Sabins, qu'ensuite il soit devenu dieu, que Tarquin l'Ancien ait coupé une pierre avec un rasoir et qu'une vestale ait tiré à terre un vaisseau avec sa ceinture, etc. Donc, etc., déjà le fait que Voltaire donne la liste de ces hauts faits de l'histoire romaine et qu'il termine avec un etc., c'est en quelque sorte l'aveu de la banalité de ce qu'il expose, c'est-à-dire qu'il se réfère à quelque chose qui est bien connu de son public, ou du moins d'un certain public occidental, érudit, qui connaîtra les Sabins, les Sabines et Tarquin, et par conséquent n'aura pas de mal à voir que là, Voltaire est tout simplement en train d'énumérer certains points de du récit romain. Côté ottoman, côté Shahrazadeh, on voit que ça commence exactement de la même manière. De même, il est évident à ceux qui l'ont étudié combien l'histoire ancienne des Romains... Alors c'est ma traduction en français du texte turc, bien sûr. Je vous épargne l'original. L'histoire ancienne des Romains est pleine d'étranges sottises et de surprenantes légendes sans fondement, car même l'état des Romains, que l'on doit considérer comme récent comparé aux anciens peuples et nations d'Asie, a passé les premières 500 années de son existence sans avoir d'histoire. De ce fait, on ne s'étonne pas de ce que Romulus, le créateur des Césars, alors ça c'est un rajout qui est intéressant, parce que César, au pluriel, c'est quelque chose qui a une certaine résonance dans un contexte ottoman, puisque ce sont les Kayseran, Kayser, Kayseran, ce sont les empereurs. Vous voyez ? Donc on voit bien que pour rendre son texte un peu plus compréhensible à son propre public, il rajoute des points de détail. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'il n'arrive pas à distinguer les Grecs des Romains. Et que par conséquent, là où Voltaire parle de l'ancienne histoire des Grecs, ridicule, dit-il, pour Shahrazadeh, c'est l'histoire ancienne des Romains. Et quand Voltaire parle des Romains, l'état des Romains, c'est comme si, voyant qu'il répétait le même mot pour deux mots en français qui sont différents, c'est comme s'il avait rajouté l'état des Romains pour distinguer ces Romains-là des autres. Mais toujours est-il qu'il est tombé dans le panneau de ne pas savoir manipuler un vocabulaire qui est peu familier aux Ottomans, puisqu'il n'y a pas de mystère. Le terme qu'il utilise en turc, c'est Rumian, Rum. Rum en turc, alors c'est toutes sortes de choses, mais pour le turc contemporain de Shahrazadeh, c'est avant tout la population orthodoxe de l'Empire. Pourquoi ? Parce que les Grecs eux-mêmes ne se disent pas grecs, mais Roméos. Pourquoi ? Parce que la tradition byzantine veut que Byzance soit la continuation de Rome et que par conséquent, les Grecs soient des Romains. C'est compliqué, ils sont fous ces Romains, aurait dit l'autre, mais c'est quelque chose qui a un sens évident lorsqu'on connaît l'évolution de certains concepts dans la tradition grecque, gréco-ottomane, et par conséquent, parler de Roum pour parler des contemporains de Shahrazadeh, de religion orthodoxe et grecque, c'est parfait. Mais alors, le problème se pose lorsqu'il faut parler des Grecs anciens, où, justement, Roumian est quelque chose qui ne correspond pas tout à fait, puisque ce sont des Grecs anciens pré-byzantins, et que par conséquent, il est impossible que les Grecs aient été romains. sauf lorsqu'ils ont été dominés par la fin, en fin de compte, par les Romains. Mais sinon, c'est un anachronisme que de traiter les Grecs anciens de Romains, puisque Rome n'existait même pas. Mais pourtant, c'est le terme qu'il utilise parce que pour lui, avec son vocabulaire probablement assez limité en français, il sait que grec est le terme qui correspond à Rome. En revanche, les Romains, là, ils voient bien que Rome, c'est Rome, Rim, les Ottomans disent Rim parfois, mais c'est Rome. Il comprend que là, il y a Rome, mais il utilise le même terme. Donc, il tombe dans une sorte de contresens épouvantable, mais qui n'a aucune importance, probablement, pour son auditoire, pour son lectorat. Et pour ce qui est de la suite, donc tous les détails de l'histoire romaine qui sont familiers à quiconque a été éduqué, formé dans la tradition occidentale, ceux-là, il les laisse tomber tout simplement parce qu'il comprend bien que, au-delà de, il lui faut bien un exemple qui montre à quel point cette histoire est ridicule et fantastique. Donc la paternité de l'étoile. Alors je ne ferai pas de remarque sur l'astronomie, n'est-ce pas, Mars n'étant pas une étoile, mais c'est ce qu'il dit. Kev-Keb, c'est une étoile. Donc il n'est pas dans les planètes vraiment. Mais dire que Romulus est le fils de Mars et qu'il a été allaité par un loup sauvage, le genre n'étant pas vraiment le fort des Ottomans, ce sont deux remarques qui sont pertinentes parce qu'elles permettent de confirmer effectivement que les Romains ont une histoire ridicule puisqu'elle est fondée sur des mythes qui sont évidemment faux. Autre passage où l'on voit la manière dont Shahrnizadeh fonctionne en rapport avec son texte de Voltaire, et là, dans un contexte, sur des événements et des acteurs qui sont, du moins on l'espère, beaucoup plus proches de ses propres soucis. Dans le texte de Voltaire, qui a trait, encore une fois, à la question des sources et des origines des sources historiques sur certains peuples, cet art ne dut pas être moins inconnu, dit-il, au site Auguscan, nommé Madiès par les Persans et par les Grecs, qui conquit une partie de l'Europe et de l'Asie si longtemps avant le règne de Cyrus. Alors, quand on passe du côté ottoman, tout d'un coup, les acteurs changent. Auguscan devient Kaikaous. Et Kaikaous, pour ceux qui s'intéressent à la mythologie persane, c'est un souverain mythique de la tradition persane, évoqué dans les Shahnameh, dans les livres des rois, quelque chose qui va un peu dans le sens du côté mythique d'Auguscan aussi, mais encore une fois, le véritable problème, c'est de se demander comment Auguscan n'a pas tout d'un coup inspiré une sorte d'intérêt, même de stupéfaction, auprès de Shahrnizadeh, quand on sait que les Ottomans prétendent descendre des Oghuzes. Donc Auguscan ou Madiès, Madwon, c'est une référence à son nom chinois, est un fondateur mythique de la branche des Turcs, entre guillemets, dont les Ottomans eux-mêmes revendiquent la descendance. Et là, ils passent complètement à côté de cela, et au lieu de cela, va pêcher dans la tradition persane un autre souverain mythique, Kaikaous, dont les implications et l'incidence pour l'histoire ottomane sont minimes, pour ne pas dire absentes. Et ensuite, lorsqu'il parle de la conquête d'une partie de l'Europe et de l'Asie, si longtemps avant le règne de Cyrus, Cyrus est quand même quelqu'un que, tout en étant persan, les Ottomans connaissent, pour l'appeler Kourosh, Kourouch, dans la tradition persane, c'est Kourosh Akabir, Cyrus le Grand, et tout d'un coup, pour des raisons qui m'échappent, ou alors peut-être une sorte de sonorité entre Cyrus et Firouz, il l'appelle Firouz Shah, Et nous savons que Firouz Shah est soit un souverain indien de Delhi au XIVe siècle, soit un fondateur mythique de la dynastie Safévide en Iran. Dans les deux cas, ça n'a vraiment aucun rapport avec Cyrus, avec l'ancienneté de Cyrus. Donc là, on voit bien qu'il est en train de patauger dans une chronologie et dans des références dynastiques et historiques qui lui échappent complètement. Et en plus, dans un contexte qui est franchement assez proche des préoccupations ottomanes concernant leurs propres origines. Donc, ces deux exemples vous donnent exactement une vision d'un aspect majeur de ce texte, celui de la distorsion par l'ignorance. Distorsion par l'ignorance, ou alors omission par ignorance, on se débarrasse de ce que l'on ne comprend pas, ou de ce que l'on sait ne pas intéresser son public, et pour le reste, on essaye, on tente au mieux d'utiliser la traduction pour rendre le sens des mots, et souvent, on se trompe. Pour ce qui est de la méthode, et n'oublions pas que le souci premier de Voltaire n'est pas de relater l'histoire du monde ou l'histoire de l'Europe, mais de proposer une lecture critique de l'histoire. Et pour le mangeur de curé qu'il est, le déiste qu'il est, évidemment, une des priorités, c'est de se défaire de tout ce qui est, entre guillemets, superstition. C'est-à-dire l'histoire religieuse, l'histoire fondée sur une compréhension biblique des événements, une chronologie biblique. Et nous savons, je l'avais évoqué en parlant de la crise de la conscience européenne de Paul Hazard, publié en 1936, l'un de ses arguments était justement que la confrontation des Occidentaux par le voyage, par la découverte, à des civilisations dont l'ancienneté, il pensait notamment à l'Égypte et à la Chine, dont l'ancienneté dépassait les bornes chronologiques du récit biblique, avait été un choc pour l'Occident et une raison de plus pour se remettre en question et pour essayer de revisiter, de corriger, reformuler de manière critique la chronologie même de l'humanité. Donc, Voltaire, dont on connaît la passion pour l'histoire, la passion pour une histoire mondiale, puisqu'il veut établir des parallèles, des synchronicités entre l'Occident et l'Orient. Il est, par exemple, l'un des premiers à parler de certains phénomènes du XVIIe siècle qui sont universels, des révolutions, des rébellions au milieu du XVIIe siècle, qu'il rattache à toutes sortes de choses et qu'aujourd'hui, certains historiens voient comme une sorte de vision très précoce de la crise du XVIIe siècle. Du petit âge glaciaire du XVIIe siècle et par conséquent de quelque chose qui était effectivement universel du fait de certains phénomènes qui dépassaient de beaucoup le contexte limité de l'Europe. Donc, pour Voltaire, il faut se débarrasser du carcan d'une forme d'eurocentrisme, mais aussi du carcan de la religion. Et par conséquent, l'un des premiers paragraphes de son texte est un paragraphe assez amusant où il s'en prend à l'histoire religieuse en disant « On a divisé l'histoire des événements en sacré et profane. L'histoire sacrée est une suite des opérations divines et miraculeuses par lesquelles il a plu à Dieu de conduire autrefois la nation juive et d'exercer aujourd'hui notre foi. Je ne toucherai point à cette matière respectable. » Bon, on voit tout de suite l'ironie, le sarcasme, l'humour. Il prend en fait son argument par l'inverse. Au lieu de parler de l'histoire profane, parce que ce n'est que l'histoire profane qui l'intéresse, il ne va pas s'amuser à décrire l'histoire profane, c'est d'elle qu'il va parler. Donc il introduit tout simplement, pour rigoler un peu et pour titiller l'anticléricalisme de ses lecteurs, il introduit cette notion d'histoire religieuse en s'en débarrassant, en l'évacuant gentiment, avec un peu de sarcasme et d'ironie, en l'appelant matière respectable et en la condamnant en quelque sorte à disparaître complètement de son récit. Ensuite, si j'apprenais l'hébreu, les sciences, l'histoire, tout cela, c'est la mer à boire. Bon, lui aussi, il aime les rimes internes. Bon, ça aurait été un bon ottoman. Côté ottoman, côté Shahrnizadeh, alors vous voyez qu'il reprend avec une certaine fidélité l'un de ses premiers paragraphes pour parler de cette division en deux. Et vous vous souvenez peut-être de la manière dont Halet Efendi, l'ambassadeur ottoman à Paris, parlait d'expliquer à ses amis à la cour pourquoi certains vantaient l'Europe, etc. Il avait cette tendance à toujours diviser les réponses en deux. Si c'est il y a deux options, etc. Bon, vous voyez que c'est une forme de rationalisme. Il y a deux possibilités, je vous les offre, etc. Donc il reprend ça ici. L'histoire se divise en deux parties. L'une est l'histoire sacrée, qui est fondée sur les saintes voies de Mahomet. Alors là, le ton est complètement différent. Alors que Voltaire est en train de tout simplement évacuer l'histoire religieuse en disant qu'il ne toucherait point à cette matière respectable, Shahrnizadeh, apparemment complètement imperméable au sarcasme de Voltaire, va au contraire expliquer très clairement ce qu'est l'histoire religieuse. C'est l'histoire sacrée fondée sur les saintes voies de Mahomet et les récits miraculeux et dignes de foi des plus grands prophètes et les histoires pleines de sens des saints heureux et dont le contenu est le plus souvent prouvé par les saints versets des livres célestes et le témoignage des hadiths, les traditions orales les plus exactes et les dons providentiels des esprits sacrés. On fait difficilement plus religieux que ça. Et l'autre, alors là, il y a un rajout, quelque chose qui n'apparaît pas chez Voltaire, et pour cause. Et l'autre est l'histoire publique. Alors profane, pour lui, c'est public, mais le public, qui montre l'état des rois et des états et rend compte du caractère des peuples et des nations et relate les événements des temps premiers. Donc c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que Shahrnizadeh, parce qu'il se sent obligé de consacrer, de sacraliser et de confirmer la validité de l'histoire religieuse, se voit dans l'obligation de parler de l'autre histoire, l'histoire profane, l'histoire publique, parce que il le faut, puisque il a déjà énoncé l'histoire religieuse comme étant une histoire digne de foi. Alors là, déjà, vous avez quelque chose qui n'est plus de l'ignorance, de l'omission. C'est un rajout et c'est une modification, une distorsion qui sont tout à fait conscients. C'est un apport de l'auteur pour rendre ce texte idéologiquement compatible. Il n'est plus intéressé par la question de savoir si ses lecteurs vont comprendre de quoi il s'agit, etc. Là, il comprend parfaitement et il sait qu'il ne doit pas se distancer de ce qui est l'idéologie dominante, c'est-à-dire l'islam comme étant la source de toutes les vérités. Et par conséquent, il lui est impossible d'épouser la dichotomie de Voltaire, mais de la reproduire simplement comme une véritable dichotomie avec deux histoires tout aussi valables, tout aussi, avec l'une vraiment digne de foi parce qu'elle est religieuse, et l'autre réduite en quelque sorte à l'histoire événementielle, sans la puissance que va lui attribuer Voltaire. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Edem Eldem le 9 février 2018 dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Aujourd'hui, vers de nouveaux savoirs, Voltaire plagié. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Edem Eldem. Sa leçon inaugurale est publiée sous le titre « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident » chez Fayard. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Edem Eldem son analyse de la transformation du texte de Voltaire. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.